La passe miroir de Christelle Dabos. Livre 2. Les disparus du clair de lune. Lu par Clotilde Seille. Souvenir du livre 1. Les fiancés de l'hiver. Après la déchirure qui a mis fin à l'ancien monde, la vie s'est concentrée sur quelques territoires distincts, des arches suspendues dans les airs. Habitées par des familles dotées de pouvoirs particuliers, chacune d'elles est dirigée par un lointain ancêtre appelé esprit de famille. La jeune Ophélie est une passe miroir, faculté rare chez les habitants d'Anima. Maladroite, solitaire et réservée, elle fait également une excellente liseuse. En saisissant un objet, elle lit son histoire, percevant la trace de tous ceux qui l'ont touchée avant elle. Le jour où un mariage forcé l'a contraint à quitter son univers et sa famille pour l'arche lointaine du pôle, son monde vole en éclats. Thorn, son fiancé, est un homme rude et énigmatique. À ses côtés, Ophélie découvre la ville flottante de la Citatielle, faite de distorsions spatiales et d'illusions d'optique. Une cour, composée de clans rivaux, y gravite autour de leur ancêtre commun, Farouk, le tout-puissant et immortel esprit de famille, s'affrontant dans un triste mélange de ruses, de manipulations, d'artifices et de trahisons. Pour ne rien arranger, Thorn est l'intendant du pôle, ce qui lui vaut d'être détesté de chacun. Projetée dans cet univers impitoyable, Ophélie explore les coulisses d'un monde où elle ne peut faire confiance à personne. En attendant le mariage, elle est contrainte de cacher son identité et, déguisée en domestique, elle entrevoit le vrai visage de la cité et de ses habitants. Elle apprend ainsi l'existence du livre de Farouk, un très ancien et très énigmatique document auquel l'esprit de famille voue une véritable obsession. La terrible vérité s'impose à elle. Thorn souhaite l'épouser pour hériter de son pouvoir de liseuse qui lui permettra de déchiffrer le livre. Alors qu'Ophélie reçoit un télégramme lui annonçant la venue prochaine de sa famille, des événements tragiques frappent Thorn et sa tante Bérénilde. Dernier survivant du clan des dragons, ils doivent réclamer la protection de Farouk. Ophélie s'apprête à être officiellement présentée à la cour, armée d'une détermination nouvelle. Elle est bien décidée à trouver sa voie dans ce labyrinthe d'illusions.